Voilà le seul souvenir bien distinct qui me reste de ce qui m'est arrêté durant ce voyage. Je me rappelle seulement qu'en approchant de Lyon, je fus tenté de prolonger ma route pour aller voir les bords du Lignon, car, parmi les romans que j'avais lus avec mon père, l'Astrée n'avait pas été oublié, et c'était celui qui me revenait au cœur le plus fréquemment. Je demandai la route du Forez, et tout en causant avec une hôtesse, elle m'apprit que c'était un bon pays de ressources pour les ouvriers, qu'il y avait beaucoup de forges, et qu'on y travaillait fort bien, en fer. Cet éloge calma tout à coup ma curiosité romanesque, et je ne jugeais pas à propos d'aller chercher des Dianes et des Sylvandres chez un peuple de forgerons. La bonne femme qui m'encourageait de la sorte m'avait sûrement pris pour un garçon serrurier. Je n'allais pas tout à fait à Lyon sans vue. En arrivant, j'allais voir au Chazotte Mademoiselle du Châtelet, amie de Madame de Varan, et pour laquelle elle m'avait donné une lettre quand je vins avec Monsieur le Maître. Ainsi, c'était une connaissance déjà faite. Mademoiselle du Châtelet m'apprit qu'en effet son amie avait passé à Lyon, mais qu'elle ignorait si elle avait poussé sa route jusqu'en Piémont, et qu'elle était incertaine elle-même en partant si elle ne s'arrêterait point en Savoie. Que si je voulais, elle écrirait pour en avoir des nouvelles, et que le meilleur parti que j'eusse à prendre était de les attendre à Lyon. J'acceptai l'offre, mais je n'osais dire à Mademoiselle du Châtelet que j'étais pressé de la réponse, et que ma petite bourse épuisée ne me laissait pas en état de l'attendre longtemps. Ce qui me retint n'était pas qu'elle m'eût mal reçu. Au contraire, elle m'avait fait beaucoup de caresses et me traitait sur un pied d'égalité qui m'ôtait le courage de lui laisser voir mon état et de descendre du rôle de bonne compagnie à celui de malheureux mendiant.